La Fédération coréenne pour la protection de la nature et la Fondation de la nature Miranda de la Nouvelle-Zélande ont mené l'enquête commune sur les oiseaux migrateurs aux alentours de la côte de l'Ouest, surtout l'arrondissement d'Incheon de la ville de Nampo et les arrondissements de Cheolsan, de Tongnim, de Suncheon et de Kwaksan de la province du Pyongan du Nord. Lors de l'enquête, on a pu affirmer au total plus de 38 700 déchassiers d'une trentaine d'espèces et plus de 6000 papillomètres d'une vingtaine d'espèces qui passent cette région. Au cours de l'enquête, il y a eu aussi des démonstrations et formations pour fixer les anneaux indicateurs à cette échasse aux alentours du district ouvrier de Tsunga, de l'arrondissement d'Incheon de la ville de Nampo. En même temps, ont été observés une dizaine d'échassiers portant des anneaux indicateurs et venus de divers pays comme Australie, Nouvelle-Zélande et Indonésie. Surtout dans ces alentours, on a trouvé plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs menacées de disparaître au niveau mondial. La Fédération coréenne pour la protection de la nature et la Fondation de la nature Miranda de Nouvelle-Zélande livrent les enquêtes communes chaque année depuis 2015 aux alentours de la côte de l'Ouest sur le trajet des oiseaux migrateurs, leur nombre et leur espérance de vie, ce qui va continuer jusqu'à 2020.